tes 9 mois dans vos entrailles. La seule femme qui porte pour moi un amour sans faille, celle qui m'a vu pleurer pour la première fois, celle qui m'a couvé, changé les couches couvertes quand j'avais froid, celle qui m'a vu faire mes premiers pas, celle qui a entendu le premier mot sortir de ma bouche et m'a. Aucune phrase ne peut définir une créature aussi belle. Son regard est plus étincelant qu'une étoile dans le ciel. Celle qui surgit telle une oasis dans le désert. Rien n'est plus confortable que le cœur d'une mère. La chair de ma chair, celle qui est fière quand je réussis. Le paradis est à ses pieds, la combler sera ma réussite. Dire que je t'ai causé tant de tracas, tant de soucis. Puisse Dieu pardonner ton fils ennuyé, l'amour d'une mère. L'ingratitude d'un enfant, paraît que je connaîtrai ta valeur que quand j'aurai des enfants. Princesse de ce monde, princesse de mon royaume, gardienne de mon cœur, garant de mon bonheur. T'es forte et courageuse, et tu marches fière, rien n'est plus confortable que le cœur d'une mère. Princesse de ce monde, princesse de mon royaume, gardienne de mon cœur, garant de mon bonheur. T'es forte et courageuse, et tu marches fière, rien n'est plus confortable que le cœur d'une mère. Elle est celle qui me conseille, malgré son jeune âge, j'ai lu dans son regard, aujourd'hui c'est devenu une femme, celle pour qui je donnerai ma vie et vice versa. Je t'ai vu dans un berceau, je t'ai même cajolé dans mes bras, je t'ai même changé les couches, c'est fou comment le temps passe. Celle qui me console quand mon cœur était dans l'impasse. Dur fut ton combat, tu portes la hijab de ton plein gré, ni père ni mère ne t'a obligé à le porter. Celle qui à la télé on traita d'aliéné, je t'ai vu souffrir, partir en cours, enlever le foulard, le cœur serré. Celle qui me dit grand frère, surveille tes écrits, les petits frères, tes coups en boucle, soigne et ton langage et tes dires. Ma sœur, je te dédie ces quelques mesures. Je sais que tu partiras un jour, te marier à ton tour. J'espère que tu tomberas sur l'homme qui te mérite. J'en suis déjà jaloux, ton futur mari sera tombé sur un bijou. Princesse de ce monde, princesse de mon royaume, gardienne de mon cœur, garant de mon bonheur. T'es forte et courageuse, et tu marches fière, rien n'est plus confortable que le cœur d'une sœur. Princesse de ce monde, princesse de mon royaume, gardienne de mon cœur, garant de mon bonheur. T'es forte et courageuse, et tu marches fière, rien n'est plus confortable que le cœur d'une sœur. Elle est celle qui a su me comprendre, qui a su m'accepter. Malgré mes milliards de défauts, elle ne voit qu'en moi des qualités. Des femmes, j'étais écœuré, j'ai sombré dans la haine. C'est celle qui m'a ouvert son cœur et j'ai réappris à aimer. Celle qui m'a fait comprendre que les fleurs sont pas toutes fanées. Le meilleur compromis entre l'amour et l'amitié. Celle qui est ma moitié, celle sur qui je peux compter. Celle qui est folle de Samir et qui en a rien à foutre de l'Alger. Celle qui me donnerait tout sans attendre rien en retour. Mon rayon de soleil quand je suis dans les ténèbres en bas des tours. Celle que j'appelle et qui est déjà en train de m'appeler, moi et ma belle m'amène, on s'aime doublement, on double appel. Le mariage, c'est la moitié de la foi. Paraît qu'on peut être heureux en couple sans or et sans soi. Sanctuaire de la procréation, tu portes peut-être mon enfant dans tes entrailles, j'en ai déjà des frissons. Princesse de ce monde, princesse de ton royaume, gardienne de mon cœur, garant de mon bonheur. T'es forte et courageuse, et tu marches fière, rien n'est plus confortable que le cœur d'une femme. Princesse de ce monde, princesse de mon royaume, gardienne de mon cœur, garant de mon bonheur. T'es forte et courageuse, et tu marches fière, rien n'est plus confortable que le cœur d'une femme. Princesse de ce monde, princesse de mon royaume, garant de mon bonheur. Rien n'est plus confortable que le cœur.